بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سندخل في الدرس السابع. Toujours dans la série de cours que Abdullah cherche un manzil. Là, le nouveau درس c'est في المكتب العقاري. في المكتب العقاري. C'est-à-dire l'agence de voyage. L'agence immobilière. طيب. الكلمات الجديدة. متفاوتون. متفاوتون. C'est une chose qui est variée. Ça nous écoute à c'est tafawatun vizalik, c'est que les gens sont différents là-dedans, c'est-à-dire certains sont peut-être meilleurs que d'autres ou akadalik. Les gens ne sont pas de même degré. Ce sont des choses qui ne sont pas de même degré, qui varient. Ça va apparaître inchallah dans le texte. Mutafawitatun, ça c'est le mu'annaf. Sahib, huna ma'na malik, c'est propriétaire. مفروشة أي مؤسسة مؤسسة c'est-à-dire ameublé. مفروشة c'est-à-dire là ce sont des je crois qu'ils sont ameublés. اختلف يختلف c'est dans le texte يختلف c'est différent. Ça a d'autres sens comme le sens de diverger ou les syndicats. Les veulent être, je veux dire par là être différent. سنة معروف عام. C'est une année, Ashhur, c'est le djem de Shahr. Et c'est moi, les mois. Assasa yu assisu, c'est ameublé. Assasa yu assisu, avec un sa, c'est ameublé. Ma'ana Othman, sahib al-maktab, wa Abdullah. أنا سأقرأ صاحب المكتب وأنت تقرأ عثمان وعبد الله. أنا أقرأ من؟ أنا أقرأ صاحب المكتب وأنت عثمان وعبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد شقة مناسبة لصديق هذا. Nous voulons un appartement convenable pour mon ami. يعني celui-ci en indiquant. لدينا أنواع مختلفة من الشقق الكبيرة والصغيرة وهي متفاوتة الأسعار. Nous avons des formes différentes d'appartements grands et petits à différents prix, c'est-à-dire à prix variable. On dira comme ça, à prix variable. متفاوتة, là c'est à prix variable. إنني أغرب في شقة تتمكن من غرفة للضيوف. عيد شو تفهم؟ إنني أغرب في شقة تتكون من. أيوة صح صح كم صملي. تتكون. تتكون نعم. نعم. تتكون من غرفة للضيوف وغرفة جلوس وغرفة للطعام وغرفتين للنوم. Donc il dit je souhaiterais, je voudrais, dans le sens, un appartement se composant d'une pièce pour les invités, une pièce garnie de comme un salon quoi en fait, jolous, assise, assemblée, une pièce pour manger, ta'am, et deux pièces pour dormir, deux chambres, une cuisine et une salle de bain avec les toilettes, comprises dedans. لدينا شقق من هذا النوع بعضها مفروش أي مؤسس وبعضها غير مفروش فماذا تريد؟ Nous avons certains. On a dit quoi? C'est quoi la deina? Je possède. On possède. C'est comme indana. C'est le fait d'avoir à ce moment-là. Et c'est disponible, ça veut dire à ce moment-là. Là-bas, c'est écrit lada. Et quand tu mets un damir, le alif qui s'écrit en forme de ya se transforme en ya. Par exemple, tu dis lada. Si tu l'accroches à un domir, le alif devient aya. Tu vas dire ada lada zaid. Lada zaid. Zaid là. Mais si tu dis, tu veux mettre un domir à la place de zaid, tu veux dire hu, tu veux dire la deihi. Ou la deiha. ou la dei hum, ou la deina, ou la deiya, quand c'est moi. Quand s'accrocher un domir, le alif, le yena, se transforme en ya. Et après, tu mets le domir qui va derrière. Donc, il dit, nous avons des appartements de ce genre. Certains sont ameublés et certains autres ne le sont pas. Qu'est-ce que tu veux ? Abdullah Othman dit, je pense que l'appartement qui n'est pas meublé est moins cher à Abdullah. إذن أريد شقة غير مؤثث مؤثثة وأرغب في أن أراها الآن. Dis donc, je voudrais un appartement non meublé et je voudrais le voir maintenant. كم الأجرة؟ Combien est الأجرة؟ En fait, c'est l'ijar, c'est pareil. الأجرة والإيجار, c'est le loyer. يقول أجرة الشقة في السنة عشرة آلاف ريال وإذا أردت أن تستأجرها شهريا فالأجرة ألف ريال في الشهر. Donc il dit le loyer de l'appartement annuel, c'est-à-dire dans l'année, c'est 10 000 rial. Et si jamais tu veux le payer mensuellement, shahriyal c'est mensuellement, par même, alors c'est 1000 rial le mois. أريد أن أستأجر الشقة شهرية وأريد أن أراها الآن. Donc je voudrais louer l'appartement mensuellement et je voudrais le voir maintenant. نعم وأهلا وسهلا هذا هو المفتاح. Donc il dit oui, bienvenue et voici la clé. Et chez les Arabes, souvent on dit أهلا وسهلا حتى مرحبا, même en fin de discussion. Même en fin de discussion. طيب التدريب الأول أجيب عن الأسئلة التالية. Donc là, ça répond aux questions du texte. Ça sera le يوم السبت إن شاء الله. يقول بما أجاب صاحب المكتب عثمان عندما قال له نريد شقة مناسبة لصديقي. Donc par quoi a répondu l'agent immobilier parce que Othman lui a dit que je voudrais un appartement qui convient à mon ami. Thaniyan, hal kullu ash-shiqaq mafrushatun? Est-ce que tous les appartements sont ameublés? Thalithan, ma tariqat daf'i al-ijar? De quelle façon se paye l'ijar? Le mode de paiement, on va dire. Ou la façon. Le mode, c'est plutôt. Ouais, n'am. Rabihan, ma tariqat daf'i allati a'jabat Abdullah? Et quel est le mode de paiement qui a plu à Abdullah? خامسا لماذا كان الإيجار الشهري مناسبا؟ Pourquoi est-ce que la location mensuelle était convenable? Ça n'a pas été dit ça. On peut deviner peut-être. Ce sera à toi de faire preuve de déduction. ما رأي عثمان في الشقة المفروشة؟ Quel est l'avis de Othman dans l'appartement meublé? متى رغب عبد الله في رؤية الشقة؟ Quand est-ce qu'Abdullah souhaite voir l'appartement? ثم الثاني املاء الفراغات في الجمل آتية باختيار الكلمات المناسبة مما يلي. Donc là c'est remplir les phrases avec les mots qui conviennent. وانا مفروشة. On a Avon, on a Tariqah, on a Anno, on a Tatafawatu. On va le faire maintenant, Inch'Allah. T'as le Jumla, Anta, ou t'as le Jumla, ou t'as le Kalima. La Jidul Insan, je lis d'abord, je mets directement le mot dedans, ou je lis normal et après. Lis normal et mets le mot. Non. La Jidul Insan, elle a dit le Rinuru d'Aimam. Que la personne ne trouve pas celui qu'il veut à chaque fois. Ma ou al-kali? Naam. Le genre qu'il veut à chaque fois. Thaniyan? Asra'u as-silah, as-silah, min dukkanin akhar. Donc, ça, c'est... Donc il dit des prix, le prix plutôt des marchandises d'un autre magasin. Avant nous ? Là. Tariq à toi. Plutôt d'un doken à un autre, Afwan. C'est plutôt d'un doken à un autre. En fait, ce serait les prix de la marchandise d'un magasin à un autre. Ah, ok, ouais. Varie, du coup. Tatafawatu, non. Les prix varient. Les prix de la marchandise varient d'un doken à un autre. Thalithan. Alors là, en al waqta munasibun li ziyarati Ahmadan. Donc ce serait une négation avec que le temps convienne pour visiter Ahmed. Avon, je ne pense pas que le temps soit convenable pour visiter Ahmed. Rabi'an. Alors, lam ta'jib. Tout. Lam ta'jib. Tout. Mais ça, t'as. Tout. Lam ta'jib. Lam ta'jib. Adat. Shahri. Musta'jira. Donc, c'est-à-dire, ne plaît pas de paiement mensuel au locataire. Tariqatou. Tariqatou. Le mode de paiement. Khamisan. استأجر والدي شقتين. ليس والدي. والدي. والدي شقتين. Donc mon père a loué un appartement. مفروشة. يعني مبلي. أحسنت. التدريب الثالث. أجيب كما في النموذج. On a dans le namouzaj, shiqqa sadiqi. Thumma asbaha, uridu shiqqatan munasibatan li sadiqi hadha. Donc après c'est devenu, je veux un appartement convenable pour mon ami que voici. Donc là on a qamis akh. Uridu qamisan munasiban li akhi hadha. Naam, je veux un qamis pour mon frère que voici, un qamis convenable. سيارتين جار أريد سيارة مناسبة لجاري هذا. Je voudrais une voiture convenable pour mon voisin que voici. ساعة أخت أريد ساعة مناسبة لأختي هذا هذه. Ah, هذه أيوة. Parce que l'ism chara il revient au mot qui est avant. C'est un sifa à ce moment-là. Je voudrais une montre convenable pour ma sœur que voici. Tilfaz ou Alidi. Vas-y, tourne la phrase de façon halal. Je vais te changer. Faut changer la phrase. Hein. Fais comme tu veux. On veut une phrase qui ressemble à ces phrases. Ces phrases-là. Alors, là, lam urid. C'est ça. Lam urid. Lam urid. Tilfaz. Je ne veux pas de télé. Je ne veux pas de télé pour mon père que voici. Ou tu peux dire Oridu Mitrakaten. Un marteau. Munasibaten l'iltilfaz Hada. Je voudrais un marteau convenable pour cette télé que voici. Et lui va te dire, mais Keif, un marteau, c'est un tournevis, peut-être tu veux dire. Non, un marteau. Limada. On l'a cassé. Tu lui expliques. Voilà, ces photos, après, c'est un bel... Ces photos, ces images, c'est un bel... Les gens, surtout maintenant qu'il y a ces réseaux sociaux, là, tout ce qui est Twitter, Facebook, même des gens qui étaient contre le tasouir, maintenant, ils se laissent aller, ils mettent tous des photos partout. Ils cherchent des chats, des fatwas de ulama, ils sont tous photographiés, tous, maintenant. Pour n'importe quoi. Même une fatwa, la plus minime, de n'importe quel sujet, il est obligé, il faut qu'on le filme. Il remet le diplôme, il faut qu'on le filme. Il vient, il a fait une action, une sadaka, il faut qu'on le filme. Quoi ? Et ça, Yorchem n'est rien, Minahada. On craint la situation là-dedans. Tout ce qu'ils font maintenant, il faut qu'ils soient photographiés ou filmés. Et maintenant, pire que photographie, maintenant, même des frères qui se disent salafis te mettent des photos de femmes, wal'azubillah, visage découvert, pour les plus gentils, d'autres mettent même des photos de kafirat, même des frères salafis, ils vont te mettre, je ne sais pas moi, un débat télévisé, tu vas voir la présentatrice, elle est là.

Tout le monde. Donc, après, on peut conseiller, nous, tu vois, on conseille, en privé, on dit à quelqu'un là, Majus, Kaza, Kaza. Ils disent, ouais, ça, c'est vrai. Et après, tu vois, malgré tout, il laisse. C'est une fois que tu as fait ta nasiha, tu as fait ton travail. Mais tu as adjabin hada. Des gens qui disent salafi, je suis le dalil, je suis le haq. Et malgré ça, tu vois qu'ils jouent, je sais pas ce qu'ils font. Allah alam. Salallahu alayhi wa sallam. El muhim, qu'il fasse la télé, on la casse. Kitab ibn. أريد كتابا مناسبا لابن هذا. أيوة. Je voudrais un livre convenable pour mon fils. Le voici. نعم. سادسا. أريد حقيبة مناسبة لزوجتي هذه. نعم. Je voudrais un sac qui convient à ma femme que voici. Mais même ça, même pas besoin de le faire. Tu as un vendeur, ma femme que voici. Mais arrête. Elle dit pour ma femme, c'est tout. Oh, il a besoin de voir ta femme pour voir le sac qui convient. Ta femme, elle est voilée, alhamdoulilah, elle est couverte entièrement. C'est elle qui choisit le sac qu'elle veut. Ou plutôt, tu veux dire un sac à femme. C'est où les sacs pour femme, il va te montrer. Là, tu dis, je veux un sac pour ma femme qui est là, et tu lui montres comme ça. Il doit baisser le regard à la base. Toi, tu lui montres ta femme, tu n'as pas de jalousie. Ah, franchement, ils ont des fois des exemples. Allah Moustaan. Ce qui fait mal, c'est que c'est des couteaux qui sont de Saoudi, tu vois. De Jamirat, d'universités qui te font des toulèbes. Et la Saoudie, c'est un pays là-dessus, on sait, c'est le meilleur pays par rapport à ça, tu vois. Mais bon, sallallahu an yafou anhum. Arabia, ajib kama fi namouzaj. Comme dans l'exemple. Assasa anta. Donc après, ça devient. Ou faddilu antu assisaha anta. Donc je préfère que tu l'ameubles, toi. طيب عندنا اخذ اتش مي ضمير ها chaque fois افضل ايوه نعم افضل ان اي نعم اخذها لا لا tu prends le ضمير entre parenthèses le verbe tu le conjugues le ضمير entre parenthèses انت اثها entre parenthèses c'est qui c'est انت ouais et après là, tu commences au fond de l'eau, un, après ce verbe-là, tu conjugues avec le domaine entre parenthèses. Donc là, c'est achava, avec enta, c'est avec anta. C'est tous anta, non? Ah ouais, c'est tous anta. Au fond de l'eau, un, ta, khudaha. Non, anta, khudaha, anta. Non. En fait, non, voyez, c'est moi, j'ai rêvé, il n'y a pas de domaine. Le domaine, ah, c'est le même. C'est anta. C'est le même. À la place du domaine, par contre, ils ont mis le verbe qui va avec. Oui. Tu dois conjuguer. Non. أفضل أن تحضرها أن تحضرها أحضر يحضر سي ramener la chose أن تحضرها أنت أن تحضرها أنت أفضل أن ترسلها أنت préfère tu l'envoies toi أفضل أن أن تعملها أنت préfère que tu la fasses toi on va dire comme ça أفضل أن تخبرها أنت نعم préfère que tu l'informes toi أفضل أن تدفع أنت. تدفعها. تدفعها أنت. Tu la payes toi. أفضل أن أن تشتريها. تشتريها. أن تشتري. اشترى يشتري. Donc là ça veut dire quoi? Tu mets une fatha à la fin comme il est mentionné par أن. أن تشتريها أنت. أن تشتريها أنت. أفضل أن. أفضل أن. تبيعها أنت. لا تباعها ان تبيعها ان تبيعها قاعده le verbe commence par tu lorsqu'il est rubai 4 lettres et il ne prend kasra avant la fin la ba'a c'est un thulathi c'est un 3 lettres il y a pas à part lorsqu'il est comme on appelle ça mourir de sira à la waz yuf'alu ça c'est autre chose ça revient à côté de nahou mais la base lorsqu'il est ghayr mabni li majhoul comme on dit dans certains cas bien que cette ibarra le muntaqada, il vient avec une domma lorsqu'il est ruba'i seulement. Tous les autres, c'est fatha. Thulathi, fatha. Khumasi, fatha. Sudasi, fatha. Ya suba'i. Hein? Suba'i, ya suba'i. Il n'y a pas cette lettre? Je ne sais pas. Non, je n'ai pas de je ne l'ai jamais vu non plus. Aksar ma'alem, sudasi. Si un soubaï, ça doit être chaz ou une chose vraiment, j'ai jamais entendu parler d'un soubaï. طيب الخامس أجيب كما في النموذج. نموذج شقة مفروشة. لدينا شقق بعضها مفروشة ومفروش وبعضها غير مفروش. Donc là, tu dois prendre les deux mots entre parenthèses et faire une phrase avec la deina kaza wa kaza, bardoua kaza wa bardoua, ghayl kaza. Je fais là. Allez, naam. La deina siyaratu, la siyaratun, bardoua mafrouchun, wa bardoua. Là. Ah oui, je me trompe. Bardoua qadimatun. Voilà. Bardoua qadimatun, wa bardoua ghayru qadimatun. Et là, tu as fait une erreur d'inattention. Parce que regarde, il t'a dit quoi dans l'exemple? Shaqqa mafroucha. Pas même? Mais dans la phrase, il a dit mafrouch. Il n'a pas dit mafroucha. Ah ouais, j'ai pas vu de. Donc le T, il tombe. Pourquoi il enlève le T? Parce qu'en fait, là, ça revient plus à Shikok, ça revient à Bard. Il a dit mafrouchoun. Ah ouais. Alors dans l'exemple, il a dit mafroucha. Ah oui, d'accord. En haut, il a mis. Donc en fait, là, dans le sens, ça revient à Shikok, en vrai, en réalité. Mais dans la phrase, ça revient à Bard. Car là, c'est Bard qui est Mubtada et Mafrouch qui est Khabar. Et le Khabar, il s'accorde au Mubtada. Donc, dans le sens, ça revient à Shikok, mais dans le point de vue, yani, grammaticalement parlant, ça revient à Bard, Kalimat Bard. Kalimat Bard, elle est Muzakkara. Donc, le Mafrouch, il revient à quoi? À Bard. Et Bard, il revient à quoi? Shikok. Ça paraît comme ça un peu, mais en fait, c'est quand tu connais, quand tu arriveras plus à ces mieux. C'est Shikok, d'ailleurs. La dina shikakun. Pourquoi c'est shikakun alors que c'est shikta? C'est shikka. Lui veut que tu mettes le jam. Ah, ok. Apparemment. Ok. Bon, je peux te raconter, mais en gros, je mets pas de tamar bouta. Là. La dina, c'est yaratun, barduha, kadimun. Pour barduha, reilu kadimun. Kadimun. Aïe, voilà. Comment kultulak? Là, le mot, la kadima. Il revient à Bard. Et Bard, là, c'est un love. C'est un terme, il est muzakkar. Il est mufrad. C'est pour ça que des fois, tu peux dire Ja'a Arijalu. Les hommes sont venus. Barduhum Salen Muslim. Wa barduhum Kafir. En fonction, on dira certains seront des musulmans et d'autres sont des kuffar. Mais en arabe, tu peux le mettre au singulier ou au pluriel. Car ça viendra à Bard. T'as même Barduhum. Bard, même s'il est un. Seul. Parce que Bard, si tu reviens, tu veux adapter le mot au terme, le terme, il va être singulier, masculin. Et si jamais tu veux adapter le mot au sens, le sens, ça va être pluriel. Donc ça vient à Tania. Et qui va pour les deux. Il va pour les deux. Ou même des fois, Bard, ça veut pouvoir dire une seule personne. Donc là, tu reviens en singulier obligatoirement. Enfin, tu dis Fi el majlis rijalun toyibun. Masalen Kale barduhum ana otchan. Dans l'assise, il y a des hommes qui sont bons, des hommes qui sont bien, un exemple. Et toi, tu veux dire qu'un d'entre eux a dit j'ai soif. Et tu reprends le thème bard. Barduhum kale. En fait, une partie d'entre eux, et en fait, c'est une partie, c'est un seul. Toi, tu disais bard pour un seul d'entre eux. Tu peux l'employer pour un groupe et tu peux l'employer pour. Et à ce moment-là, si tu emploies le bar pour un seul, le mot derrière qui va venir, il sera inshallah forcément singulier. Parce que tu parles d'une seule personne en fait. Barduhum qal ana otchan. En fait, nous en français, on dira l'un d'entre eux a dit. Bien qu'en apparence, ce serait certains d'entre eux ont dit. Mais en fait, on a un seul qui l'a dit. Donc faire attention des fois au terme bard. Tu en as des chefs, des fois, ils se font avoir. C'est un coup le bar de ma chère, kal kaza wa kaza. Parce que c'est un seul cher qui l'a dit. Parmi les machins, un seul l'a dit, kaza kaza. Donc on revient. Hadiqa munazzama. Alors, ladayna. Ladayna. Hadaiqa. Hadaiqu. Hadaiqu. Naam. Ladayna. Hadaiqu. Ba'duha. Ba'duha. Manzouma. Manzoumun. Munazzam. Munazzam. Ah ouais. Ba'duha munazzam. C'est ça qui écrit munazzam. Là, c'est munazzama, tu veux dire munazzam. T'enlèves le T. Là, il est marqué. Ça, en fait. C'est pour ça que ça marque. Damma al-waw, al-mim. Damma al-mim. Darun saghira. Ladayna. Adiyar. Je peux dire Adiyar, je ne connais pas Adiyar. Je connais Diyar. Diyar, ou Adour également. Dour. Adiyar, je ne connais pas. Oh, c'est Diyar. Alors, la DNA Diyar, Barduha, Sarirun, wa Barduha, Riru, Sarirun. Dar, Mana, Beit. Alors, la DNA. Dakakin. Ladina dakakin. Dakakinu. Barduha. Barduha jadidun. Wabarduha ghayru jadidun. Arsent. Dans certains, nous avons dit de Ken, certains sont nouveaux et d'autres ne le sont pas. Souk, qarib. Aswaq. Naam, aswaq. Ladina aswaq. لدينا أسواق بعضها قريب وبعضها غير قريب. نعم. جهاز. ولا بقي سوى الجمع. تقبل؟ أخذنا الجمع. أجهزة. أجهزة. نعم. لدينا أجهزة. أجهزة. أجهزة. يقدمد. نعم. لدينا أجهزة بعضها رخيص وبعضها غير رخيص. غير رخيص. نعم تمام. طيب السادس هذا سيكون في البيت. C'est remplir les trous avec les حروف مناسب. On a حتى, on a في, on a أو, on a من, on a و. الجملة الأولى وصل أحمد محمد في وقت واحد. Que Ahmed est arrivé, Mohamed en même temps, on va dire. يدفع الإيجار سنويا كل سنة كل ستة أشهر. Il paye la location annuellement tous les six mois. ثالثا إنني أرغب عصير. Je souhaite ou je voudrais du jus. سأستمرّ في العمل من الصباح المساء. Je vais continuer le travail du matin au soir, l'après-midi, le soir. Matin, on peut dire c'est pour le soir. أحضر الزهور مكان بعيد. Zuhur, j'aime Zahir. C'est quoi Zuhur? Zuhur, je crois que c'est là, c'est le Zahra, c'est les fleurs. Oh. Attends, j'ai pas compris un truc là. C'est peut-être Afada qui voulait dire. C'est Okhdiru normalement. C'est Okhdiru. Il a pris les fleurs dans je ramène les fleurs, ouais, c'est Okhdiru, c'est pas Akhdara. Ah non, c'est Houa. Ah, c'est lui. Ouais, mais comme il n'y a pas de. Rien qui précise qu'il y a un damir avant, c'est Akhdara, yani Houa, Azuhura, Mekan Baïd. Qu'il a ramené les fleurs, lieu lointain. Akada, naam. Après, il dit Stamil kul kelimat in kelimat taliya fi jumlatin mufida. Je mets les mots suivants dans une phrase qui a un sens. Sahib, assasa, yakhtalifu, tariqa, sana, mutafawatun. Ashhur, yatakawwanu. Vous voulez dire se composer. Yadfa'u, ufaddilu. Et thamin, comme tu as le. Jumu'a, la baisse, quand on ajoute un, c'est mettre les mots dans l'ordre. Yakul, Rattib kelimati italia itukawina minaha jumalen mufida. Donc là, tu dois mettre les mots dans l'ordre pour trouver une phrase qui a un sens. Premier, on a Aliyun, Shakka, Ista'jara, wa Farashaha. Donc toi, ces mots-là, tu mets dans l'ordre pour avoir une jumla. Je rajoute rien. Il y a rien à ajouter. ثانيا صديقي الذي لم يفضله النظر ils ont pris لا يفضله c'est لم يفضله le majum par l'am c'est une soukoun c'est pas une dhamma sur l'am اللون يجد في الأحذية ثالثا صاحب جميلة أجابه أشقة ونظيفة أنها وسنقفنا إن شاء الله سفاعت الله وعليك مفهوم هذا؟ أنا بدي أطلب مولد إن شاء الله سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك